votre attention, s'il vous plaît. Veillez à ce qu'il n'y ait aucun obstacle qui gêne la retransmission d'angle d'attaque et que rien ne s'oppose à l'ouverture à une autre vision du monde. Angle d'attaque, tous les troisièmes samedis du mois, de 12h à 13h sur Radio Campus. Bonjour, il est midi, vous êtes sur Radio Campus et vous faites bien puisque c'est l'heure d'Angle d'attaque, une émission proposée par Attaque Métropole. Attaque A2TAC, Association pour la taxation des transactions financières et pour l'action citoyenne. Pour vous servir aujourd'hui, Florent à la réalisation et quatre équipiers. René La Science, Ludovic, Didier et Christian. Vous aurez remarqué l'absence de Quentin, absorbé par les tâches professionnelles. Et c'est bien dommage cette absence puisque c'est Quentin qui a proposé le thème de l'émission, la décroissance. Mais attention, avec cette orthographe particulière, nous isolons le D, D, E de décroissance en le mettant entre parenthèses. Ce n'est pas vrai pour tout le monde, on le verra dans la suite. Ce n'est pas seulement une fantaisie orthographique. Sans cette parenthèse, il nous semble que la décroissance serait comprise comme absolue, définitive, alors qu'au contraire, les parenthèses expriment le doute. On peut en effet admettre qu'existe des modalités, des secteurs, des moments, des régions sur la planète où la croissance est nécessaire, indispensable au développement. Il y a donc débat. En revanche, là où il n'y a pas débat, c'est sur la croissance. Et nous faisons nôtre cette assertion que Jean Gadret, notre ami, prononce dans le film de Marine Munich Robin, Sacré croissance, justement. Celui qui croit que la croissance peut être infinie dans un monde fini est soit un fou, soit un économiste. Et c'est un professeur d'économie qui le dit. Nous allons partir de là. J'accélère un peu la présentation. Le programme en trois temps. Quand a-t-on commencé à douter de la société de la croissance comme modèle de civilisation? Deux, dans un deuxième temps donc, on sera sur le comment on s'y prend pour aller vers une forme de décroissance, avec parenthèse ou pas, soutenable, et à quelles conditions? Trois, pour terminer, nous essaierons de nous poser la question de savoir si le coronavirus change la donne de la croissance. Sachez, auditeurs et auditrices, que cette émission a été réalisée à Sbarak, comme on dit à Campus, autrement dit en visioconférence, Meet Jitsi, le 15 décembre en soirée. Et donc, toi Didier, tu t'es proposé de nous rafraîchir la mémoire et ça ne va pas nous rajeunir. Ben, ça ne va pas nous rajeunir effectivement parce que ça va être un historique. Enfin, on en vient un peu aux origines de la décroissance. Après, on verra un peu les précurseurs du mouvement, du concept et les théoriciens. Donc après, on verra un peu les différentes approches. Donc ça commence loin parce qu'en fait, l'histoire de la décroissance, ça peut remonter les signes annonciateurs, disons, c'est quasiment le mouvement de la Big Generation des années 50, le mouvement hippie des années 60, voire mai 68. Donc malgré tout, c'est le concept qui est quand même développé par le rapport Meadows en 1970, qui signale les limites de la croissance. 1973, je peux me permettre. Et ça s'est repris en 1970, je suis désolé. Ça s'est repris en 1972 par le Club de Rome et l'ouvrage qui s'appellera Halte à la croissance. Donc à partir de là, 72, c'est aussi une année importante parce qu'on a la publication de l'an 01 GB, avec la fameuse formule on arrête tout, on réfléchit et c'est pas triste. Donc l'an 01, c'est GB, c'est un dessinateur de Charlie Hebdo et d'Harakiri. Ensuite, on aura le lancement du journal La Gueule Ouverte, donc avec Pierre Fournier, qui est également journaliste à Charlie Hebdo. Et bon, on aura dans La Gueule Ouverte, vont se écrire beaucoup de précurseurs de l'écologie politique, comme Bernard Charbonneau, par exemple, ou Émile Prémilieux. Alors ensuite, on ne parle pas encore de décroissance, mais il y a quand même celui qui est considéré comme le père, le pionnier de la décroissance, qui s'appelle Nicolas Georgescu Rogen, qui a déjà publié en 1971 un chapitre de son livre qui s'appelle « Chapitre entropie, écologie et économie » qui parle clairement de décroissance. Et auquel on fait encore référence régulièrement. Auquel on fait référence régulièrement, effectivement. Donc au niveau des précurseurs de la décroissance, on peut parler d'André Gorz qui signe Michel Bosquet dans Le Nouvel Observateur et qui se livre à une critique du productivisme, du capitalisme et aussi en maniant des concepts comme ceux de l'aliénation, l'autonomie, l'hétéronomie. Donc c'est, C'est le premier à parler de décroissance à partir de des travaux justement de Georgescu Rogan. Ensuite, on peut parler de Jacques Ellul, qui est quelqu'un qui va plus critiquer la technique et la technologie. Bon, c'est quand même un théoricien de l'aliénation. Bon, il parle beaucoup de la dépossession de l'individu dans les sociétés modernes, de la dépossession de son savoir-faire. Et en troisième lieu, on a évidemment Ivan Illich, qui est quand même une grande référence pour peut-être pas la décroissance, mais en tout cas dans ces idées-là. Bon, là aussi, c'est une crise des institutions comme évidemment la santé, la médecine, l'éducation. Donc, Illich se demande à partir de quand ces institutions sont contre-productives. Et quand elles amènent justement, quand elles deviennent aliénantes, déresponsabilisantes, voire totalitaires. Oui, alors, Illich, j'ai refeuilleté ma collègue de Gueule Ouverte tout à l'heure, et il fait partie il y a un numéro spécial qui est consacré à lui, et puis d'autres articles, hein, c'est vraiment une référence fort importante. Oui, il y a même un numéro de la Gueule Ouverte, la couverture, c'est l'exercice illégal de la médecine, où on voit quelqu'un qui se met simplement un sparadrap sur le doigt. C'est les anciens qui parlent, hein, pour les autres. Donc après les précurseurs, on va voir les théoriciens, enfin les principaux théoriciens. On a évidemment Serge Latouche, hein, donc très, très important pour la décroissance en France. Donc c'est bon, Latouche est livré à une critique générale de toutes les théories économiques possibles et imaginables. Et bon, il met en garde contre l'illusion du développement durable justement et de la croissance verte. On y viendra dans le cours de l'émission. Ensuite, on a Dominique Méda, qui est une grande référence de notre Jean Gadret. Méda, qui va s'intéresser aussi aux indicateurs de richesse et à la conception du bonheur, tout simplement. Et on a Paul Ariès, qui est quelqu'un qui va fonder le journal Le Sarcophage, donc dans les années Sarkozy, justement, et qui va s'intéresser à des concepts comme le bien-vivre, comme les communs et comme la gratuité plus tard. Et en quatrième lieu, je voudrais citer quand même Vincent Chesnais, qui est le fondateur du journal La Décroissance. Bon, avec les différentes déclinaisons, le parti de la décroissance, les objecteurs de croissance, etc. Et bon, c'est quelqu'un qui va mobiliser, enfin, qui va faire beaucoup dans les croisades anti-publicité, les débouleurs, et tout ce qu'on s'y tourne autour de la désobéissance. Donc voilà pour les précurseurs. Maintenant, au niveau des différentes approches, bon, plus ou moins radicales de la décroissance, bon, on a évidemment l'approche économique. On a parlé avec Jean Gardré, on parle plutôt d'accroissance à privatif, mais l'approche économique de la décroissance, c'est surtout les réflexions sur les indicateurs de richesse, on l'a dit, et aussi sur le travail, dans la place du travail dans la société. Ensuite, on a les approches écologiques, donc, qui sont plutôt anti-productivistes, anti-nucléaires, mais aussi avec un volet agricole très important autour des AMAP, des circuits courts, etc. On a un volet qui est plus technologique avec là aussi une critique de la technique, dont notamment on peut voir ça dans le site PSC Main-d'œuvre de Grenoble. Et on a enfin une approche politique donc avec un théoricien plutôt anarchiste qui s'appelle Noé Bookchin. Et bon, là aussi, c'est tout ce qui est l'antipublicité, la décroissance, les ZAD, les contre-génétiques, etc. Voilà, en gros, je ne vais pas faire plus long, c'est simplement essayer de débroussailler un peu un petit historique, les origines de la décroissance, tout en sachant qu'il y a bien d'autres auteurs et bien d'autres théories autour de cette décroissance. Tu nous dis rien de Pablo Servigne ou Yves Cochet? Après, justement, il y a tout ce qui tourne autour de la collapsologie, ouais. Théorie de l'effondrement avec... Pablo Servigne, justement, et bon, des gens peut-être plus connus comme Yves Cochet. Mais bon, c'est une. Enfin, à mon avis, c'est quand même aller un peu loin dans l'approche écologique, justement, de la décroissance. Et on va jusqu'à, justement, ce concept de collapsologie qui est certainement articulé avec la décroissance, mais qui n'est pas toute la décroissance non plus. Bon, ce qui est intéressant également, moi je reviens sur une seconde sur Jean Gadret avant de laisser la parole aux autres. Hein, là, bon, on est assez d'accord avec l'idée de Jean selon laquelle la croissance n'est pas près de revenir et de toute façon, elle ne résout rien. Hein. C'est aussi un peu la raison de l'émission. Quelqu'un d'autre, René, peut-être ? Oui, sûr. Alors, sur les revues, on en a parlé un peu. Est-ce que tu as quelque chose à dire sur, par exemple, on a parlé de croissance ne reviendra pas, mais on a toujours le PIB, en tout cas. Ah oui, alors bien sûr, le principal, enfin, ou même quasiment le seul indicateur pour mesurer la croissance, c'est le PIB, produit intérieur. Le PIB, ce n'est pas l'indicateur. L'indicateur, le PIB, c'est un agrégat. L'indicateur, oui. C'est la différence, le rapport entre le PIB année N sur le PIB N-1. Voilà, c'est plutôt c'est l'augmentation du PIB qui détermine la croissance. Voilà exactement. Exactement. Voilà. Eh bien, donc, le PIB, en fait, il permet de quantifier la valeur totale de production de richesse annuelle en volume, je précise, effectuée par les agents économiques qui sont les ménages, les entreprises et même les administrations publiques aussi, à l'intérieur d'un territoire. Voilà, ça c'est pour la définition. Et c'est comme qu'on en a parlé, c'est le principal indicateur utilisé pour mesurer la production à l'intérieur d'un État. Et c'est le PIB. Alors l'augmentation du PIB évidemment d'année en année, enfin si elle a lieu, va nous donner la croissance. Voilà. Le PIB par habitant aussi, donc permet de mesurer le niveau de vie et approximativement le pouvoir d'achat. Voilà. Alors maintenant, le PIB fait l'objet de nombre de contestations quand même, comme nous allons en parler. Puisque comme indicateur de production de richesse, il ne considère qu'une partie de la valeur créée par l'activité économique et de manière purement comptable. Les activités négatives comme les catastrophes ou accidents sont comptabilisées, tandis que des activités positives mais non marchandes et non administratives, comme le bénévolat, le travail domestique notamment, ne le sont pas. Et au point de vue environnemental, alors là c'est aussi un point que nous allons soulever, je crois, on peut considérer que la production économique consomme en partie une partie du capital naturel, ou en partie, oui. Et ces effets ne sont pas pris en compte dans l'évaluation de la production de richesse. Autrement dit, un pays, pour fabriquer de la richesse, prélève dans son capital naturel. Par exemple, on coupe des forêts pour vendre du bois, et cette perte écologique n'est pas prise en compte. Voilà. D'accord. Bon, c'est effectivement un tour d'horizon rapide, mais très intéressant sur ce qu'est la croissance et ce qu'on veut éviter à terme, du moins espérons-le. Donc voilà, le PIB, c'est pas ça. Il faudra inventer d'autres indicateurs de bien-être, de santé, etc., l'ont fait Florence Janicatrice, que nous avons accueillie il y a quelque temps, et avec Jean Gadret, d'ailleurs, qui est son mentor d'une certaine façon. Mais oui. Du coup, est-ce que l'augmentation du PIB peut être décorrélée de la production de CO2, par exemple ? Ah bah non. C'est justement tout le problème aussi de ce qu'on appelle la croissance verte. Notamment, on nous dit on va décarboner l'économie, c'est bien beau, mais ça peut générer d'autres pollutions et peut-être aussi du CO2 finalement. Bon, c'est le problème du passage, ce que j'appelle tout électrique. On va lancer la voiture électrique à grand, qui va, qui est prévu normalement pour remplacer progressivement les véhicules thermiques. On va aussi lancer, enfin poursuivre la progression des énergies renouvelables. Bon, mais il y a un petit problème avec tout ça. C'est bien, ça n'émet pas de CO2. Donc maintenant, on en est à décarboner l'économie en poussant vers l'électrique, que ce soit pour la consommation comme la voiture électrique ou la production, les énergies renouvelables, comme on dit, certes. Alors c'est bien, ça n'émet pas de CO2 localement, mais c'est que l'électricité pour produire pour produire de l'électricité, il faut des moteurs électriques qui sont fort consommateurs de métaux et de terres rares aussi, de métaux rares et de terres rares. Enfin, ça, c'est plus pour le solaire, par exemple. Tout ça, ça fait qu'il faut ouvrir beaucoup de nouvelles mines, et les mines sont des sources de pollution non négligeables, par les nanoparticules de métaux lourds qu'elles émettent. Il faut voir aussi que ces mines sont situées loin, ce qui nécessite encore des transports, émissions de CO2. Enfin, les mines et l'industrie métallurgique aussi, qui est elle-même émettrice de CO2, pour faire tourner tout ça qui est fort énergivore pour l'instant, puisque les énergies renouvelables ne sont pas encore en état de le faire. On construit des centrales au charbon, c'est le cas au Chili par exemple, ou pour fournir l'énergie d'une mine de cuivre, on va construire une centrale au charbon. Voilà. Alors effectivement, maintenant, je te coupe un peu, René, oui. Mais tu nous as donné exactement ce qu'il ne faut plus faire. Voilà. C'est-à-dire que en nous faisant croire qu'on a trouvé une solution technique, je veux dire. On s'aperçoit que la technique, si elle apporte parfois une solution sur un problème, elle en génère d'autres. Oui. Donc, la croissance verte, croire en progrès technique pour remédier aux problèmes de pollution, enfin de réchauffement climatique, pour pouvoir continuer la croissance sous une autre forme, non, ça ne marche pas. Alors, en revanche, il y a des idées comme le développement durable qui ne sont pas exactement sur les mêmes brisées que la croissance verte, par exemple. Le développement durable, il y a deux aspects, je dirais. Oui, il y a deux aspects. Il y a un aspect plutôt technicien, justement. Alors, d'abord une définition peut-être, c'est une conception du développement ou de la croissance dans une perspective de long terme, oui. Qui intègre les contraintes écologiques et sociales, c'est très bien a priori, c'est-à-dire l'objectif est de répondre aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs. Bon. D'accord, c'est un peu vague. Mais tout dépend aussi de ce qu'on entend par durable. Il y a d'abord, une première conception du développement durable qui est, on va dire, technico-économiste, qui rejoint la croissance verte, en fait. C'est-à-dire qu'à chaque problème environnemental correspondrait une solution technique. Et comme je viens de dire, là, non. Bon, c'est mon avis, non. Solution disponible uniquement dans un monde économiquement prospère. Donc, ça veut dire, en fait, il faut soutenir la croissance pour entretenir la prospérité qui permettra le progrès technique qui résoudra ces problèmes. Malheureusement, je suis pas sûr que ce soit développé par la touche, ça. Non. C'est aussi une façon de voir qu'on appelle aussi durabilité faible. Et le pilier économique en occupe la place centrale. Alors, oui. En l'occurrence, ce qui me semble important, c'est que le capital naturel n'est pas de substitution, si tu veux. Donc, il s'agit de le préserver. Oui, aussi, mais... dans la mesure du possible, mais Didier malgré tout, c'est... Florent. Il y a Didier qui veut parler. Exact. Allume ton micro, Didier. Allume ton micro, Didier, oui. Oui, non, simplement pour, évidemment, la touche parle du développement durable, définit l'expression comme un oxymore, hein, donc deux termes qui sont radicalement opposés. Mais par rapport à ce que je voulais dire après René sur les indicateurs, le PIB, PNB, c'est quand même que ce sont des indicateurs uniquement quantitatifs, donc on compte à la fois la pollution, la dépollution, les nuisances, etc. Et ça ne dit rien sur la qualité de la vie. Donc c'était aussi Dominique Méda et Jean Gadret insistaient pour avoir des nouveaux indicateurs. Enfin, c'est aussi dans le film de Marie-Monique Robin. Bon, des indicateurs qui pourraient être, par exemple, l'espérance de vie ou la santé mentale des habitants, des indicateurs qui diraient vraiment quelque chose de nos vies et de notre bonheur, tout simplement. Quoi. Florent. Oui, ce que je voulais rajouter, c'est que... ce qui sert aujourd'hui le PIB, comment on s'en sert, c'est qu'on nous dit il faut du PIB pour créer de l'emploi. Oui. Et pourquoi il faut de l'emploi? Bah pour améliorer la qualité de vie des gens et tout ça. Donc, quand on dit on va créer un autre indicateur de bien vivre, je me fais l'avocat du diable, comme d'habitude, je fais l'avocat du diable. Comment on va faire pour que cet indicateur nous indique qu'on va dans le bon sens pour que, d'un point de vue économique, en fait? Oui, alors. Je n'ai effectivement pas une réponse toute faite là-dessus, mais je peux essayer de répondre. Le travail qu'avait fait localement, je veux dire régionalement, Florence Janicatrice sur le Nord-Pas-de-Calais, prenait en compte, par exemple, les maladies dans le Nord, le nombre de lits, etc., qui permettaient d'avoir un indicateur au moins social ou de bonne santé. Je vais très vite parce que je n'ai plus les souvenirs très précis sur ce travail de Florence Janicatrice, qui était pour la région Nord-Pas-de-Calais d'ailleurs, ce n'est pas passant. Et donc, on essaie de mesurer le bien-être de la région avec un certain nombre d'indicateurs très objectifs, puisqu'il s'agit de la santé des gens. Et par ailleurs, à l'inverse, mais j'anticipe peut-être un peu, les travaux, la réflexion qu'a menée Jean Gadret, plus que des travaux, sur la croissance aujourd'hui dans des pays comme les États-Unis montre que le nombre de malades, c'est la première puissance du monde, enfin encore pour plus longtemps, mais pour plus très longtemps, mais le nombre de malades est bien plus important, le nombre de gens obèses aux États-Unis est considérable, l'accès aux soins est extrêmement limité, on en parlera peut-être tout à l'heure. Et par rapport à la France, l'espérance de vie est moins 2 ans aux États-Unis. Donc, ce n'est pas une croissance du PIB qui arrange les choses. Donc, effectivement, je reviens sur ta question, si je peux. C'est effectivement un calcul qui devrait être certainement économique pour mesurer la croissance des produits matériels, mais également une partie qui contrebalance, les questions autour de la santé, dont on reparlera aussi tout à l'heure. Alors, oui, pour donner quelques chiffres par rapport à ce que tu dis, Christian, Gadret justement indique qu'en France, entre 1973 et 2005, alors que l'abondance matérielle, donc le PIB par habitant, a progressé 75%, le bien-être subjectif, lui, a stagné à un niveau assez bas, autour de 6,6 sur 10. Donc voilà, donc ces chiffres, effectivement, viennent confirmer ton propos en ce sens où il n'y a pas de corrélation statistique entre le PIB par habitant et donc la satisfaction en termes de bonheur, etc. Et effectivement, à partir d'un certain niveau matériel de richesse, la courbe des satisfactions sociales n'augmente pas avec le PIB. Un mot de René. Oui, de toute façon, je vous dirais, de toute manière, la croissance, comme on dit actuellement, ne répond plus, puisque cette croissance, justement, dans les anciens pays industriels ne cesse de stasser, qu'elle ne produit plus les fruits qu'elle avait engendrés durant les 30 glorieuses. Il y a, Il n'y a plus d'augmentation de sentiment de bien-être depuis les années 70. Les gains de productivité ne sont plus facteurs de création d'emplois depuis une vingtaine d'années. Et les inégalités se sont creusées à un niveau vertigineux. Okay. Alors, à quoi sert la croissance actuellement, ou plutôt, qui sert-elle? Je disais, l'espérance de vie a également baissé aux États-Unis, notamment. Oui. Est-ce qu'on peut laisser la parole à Didier? Ton micro. Ton micro, Didier. Et, hormis les questions des indicateurs, bon, là, quand on parle de... Voilà. La question du travail est aussi importante quand on parle de croissance. Et bon, ça nous ramène aussi à l'ouvrage de Thomas Pitrot, donc sur libéral travail. Avec justement cette. Bon, il y a eu ce qu'on a connu comme le compromis fordiste, c'est-à-dire que les gens, bon, moyennant des augmentations de salaire, ont passé un peu sur les conditions de travail. Et là, la vision, c'est pas une vision décroissante, mais c'est une vision quand même intéressante de Thomas Pitrot qui justement parle de la place du travail dans la société et de comment justement dans une société sinon décroissante, en tout cas qui n'est plus de croissance, comment on voit le travail, enfin avec toutes les questions que se posent posées par la souffrance au travail, par les risques psychosociaux, etc. Donc c'est aussi une question qui me paraît intéressante dans la vision de la décroissance. D'accord, je vais ajouter un mot. Effectivement, dans les critères de croissance saine, effectivement, avec la santé, il faut mettre évidemment le niveau d'emploi. C'est Didier qui m'y fait penser. Mais du coup, si on a du coup une décroissance du PIB, mais une croissance du bien-être qui vient compenser, on va dire, comment dans ce contexte-là économique, on arrive à avoir, à conserver un emploi pour un maximum de gens, parce que c'est ça qu'il y a derrière. C'est ça qu'on nous reproche aux décroissances. Comment on fait quand le PIB décroît pour donner un emploi à tout le monde et pour éviter qu'il y ait trop de chômage et compagnie, quoi. Je suis embêté par ta question parce que ça suppose une réponse, si tu veux. Et je voudrais qu'on parle à la partie suivante. Il y aurait quelques éléments de réponse. Oui. Déjà, mieux répartir l'emploi. Et puis, on sait bien que les emplois les emplois qui concernent la transition écologique sont nombreux. On va avoir besoin de main-d'œuvre supplémentaire dans l'agriculture. Il va y avoir un accroissement sur tout ce qui est les technologies vertes, par exemple, effectivement, qui sont sans doute effectivement une illusion, mais on peut tout à fait imaginer avoir des nouveaux boulots qui peuvent exister dans l'ingénierie, etc. Et tout ça, ça crée de l'emploi, en fait. Mais il faut voir aussi comment on verra l'emploi. Là, c'est exactement ce que vient de dire. Il faut réduire le temps de travail aussi. Bien sûr. Oui, mais est-ce que Ludovic, tu peux aborder le point suivant, s'il te plaît? Je suis désolé d'être un peu raide là. J'ai bien apprécié ce que tu nous as envoyé, le gouvernement de la décroissance. Alors, donc, il y a des gens qui se projettent déjà dans une autre société qui est une société décroissante. Tu peux nous expliquer un peu? Oui, alors effectivement, le mouvement de la décroissance se targue d'avoir un programme politique. D'ailleurs, Didier a rappelé qu'il y avait un mouvement, enfin un parti de la décroissance. Et ce parti prône différentes mesures. Alors j'en passe. Ça va de la relocalisation de l'économie fondée sur de petites entités, renforcement des TER au détriment des TGV, sortie des énergies fossiles, fin des zones pavillonnaires, suppression de la publicité. C'est également la proposition que pose notamment Paul Ariès, qui fait partie du mouvement de la décroissance, qui prône, lui, la gratuité pour les usages et donc le renchérissement donc, des mésusages, donc, que sont les piscines particulières ou les transports privés polluants. C'est effectivement une des mesures aussi qui effectivement peut éventuellement faire polémique, sur laquelle je vais un peu développer, c'est la question des quotas de consommation, donc sur la consommation de pétrole. Donc ça s'appelle, pour le dire autrement, en un seul mot, ça s'appelle le rationnement. Donc il y a un principe de base du rationnement, c'est face à une ressource finie, le rationnement garantit à chacun un accès minimum parce que dans le même temps, il plafonne les consommations de tous. Donc cette histoire de rationnement a été pensée notamment en Angleterre. Donc l'idée, c'est d'anticiper une forte réduction des quantités d'énergie disponibles. Et donc les partisans donc, de ce rationnement entendent organiser le partage de ce qui reste de telle sorte que les inégalités ne soient pas creusées par la crise énergétique. Donc il y a l'idée qu'on anticipe en quelque sorte la, plus ou moins la fin du pétrole. Et donc contrairement à la plupart des mesures donc, d'aide sociale de type État-providence, les partisans donc, de cette mesure prônent l'idée que l'aide aux plus pauvres ne se traduirait pas, donc, pas par un simple transfert économique donc, d'une catégorie vers une autre, comme on connaît actuellement, mais par la garantie d'une consommation minimum pour chacun, et qui passe directement par une limitation en quantité des consommations des plus riches. Donc, d'où la proposition donc, de cette fameuse carte carbone, donc, qui s'inscrit dans cette idée de rationnement, et qui donc est une politique qui est menée donc, à l'échelle nationale, donc, en l'occurrence ici au Royaume-Uni, parce qu'un programme avait été proposé avant 2008, et puis la crise de 2008 a mis fin à cette expérimentation. Et l'idée, c'était que chaque personne se voit remettre donc un quota annuel de droits d'émission de CO2 et qui conditionnerait toute consommation d'énergie primaire, donc gaz, électricité, etc. Et les quotas distribués seraient strictement égaux d'une personne à l'autre. Mais, il faut bien le préciser, il y aurait la possibilité de mettre en place une bourse d'échange donc qui permettrait à ceux qui voudraient consommer plus que leur quota de pouvoir éventuellement racheter des unités supplémentaires ou plus économes. Donc c'est pas une mesure finalement autoritaire parce que donc l'idée c'est de dire voilà l'État fixe un plafond mais après à chacun après d'organiser et de gérer son quota donc libre à chacun donc de flamber ou de dépenser avec parcimonie ou de tout utiliser pour voyager ou se chauffer ou d'utiliser de l'essence pour aller au travail ou pour se promener. Et donc la carte carbone, me semble-t-il, se distingue donc de la taxe donc sur le carbone, parce que là, l'idée, c'est, encore une fois, voilà, les individus sont relativement libres, dans des limites donc, qui sont fixées par cette carte, de consommer voilà, sur une année. Donc c'est une idée, effectivement, qui sans doute choquera beaucoup de gens. Mais, comme le dit Ivan Illich, donc, qui est cité donc, par les partisans de cette mesure, je cite, « Imposer des limites à la croissance ne suffit pas si on ne cherche pas à en mettre en même temps à organiser l'équité. » Et je cite donc Illich qui écrit donc en 1979, « Dans une société post-industrielle et conviviale, donc Illich se voulait prôner une société conviviale, assigner à la croissance industrielle des limites non monétaires et politiquement définies entraînera la révision de beaucoup de notions économiques consacrées, dont la croissance, mais ne fera pas disparaître pour autant l'inégalité entre les hommes. Or, en matière d'équité, donc le rationnement, donc c'est en tout cas les tenants de cette thèse, pensent que le rationnement constitue justement une ressource indéniable pour une société qui chercherait à organiser la répartition politique et économique de la contrainte énergétique. Donc le rationnement, c'est une manière de gérer de manière équitablement les ressources sous contrainte énergétique. Contrainte énergétique qui, de toute façon, de fait, va s'accroître de plus en plus. Et donc, c'est une mesure qui, en tout cas, elle mérite, je crois, d'être... c'est quelque chose de très concret. Et effectivement, on peut en débattre à loisir pour savoir si c'est la meilleure méthode. Mais je pense qu'effectivement, en tout cas, moi, je pense que c'est une méthode intéressante, mais je pense que malheureusement, elle ne sera sans doute pratiquée si elle est pratiquée. Elle sera pratiquée uniquement dans la situation d'urgence, peut-être dans la situation d'un effondrement, si on est un tenant des thèses collapsologues, mais je ne pense pas qu'elle se fera malheureusement dans les meilleures conditions. Je pense qu'on sera amené sans doute à rationner, mais en étant dos au mur. Oui, alors, petite question quand même, est-ce que... On mesure le volume de CO2, parce que le volume de CO2, je vais prendre un autre exemple. Lorsque nous, on bataille avec le collectif Eau pour avoir les premiers mètres cubes d'eau gratuits, on sait quels sont les premiers mètres cubes d'eau gratuits. Et là, est-ce que c'est un volume et à quoi ça correspond? Je pense qu'on peut calculer. Oui, mais on n'a pas une idée, c'est ça que je veux dire. C'est plutôt en fonction des ressources énergétiques encore disponibles à un certain prix. Non. possible, oui. Bah, je pense que, enfin, le niveau du GIEC, ils savent à quel seuil il faut pas dépasser pour éviter d'avoir. Oui. Enfin, au niveau de la concentration dans l'atmosphère, et on sait que il faut pas dépasser tant de concentration, et je pense qu'on sait à peu près quel pays, combien on doit limiter pour chaque pays l'émission de CO2 pour éviter de dépasser ces seuils de concentration. Et donc après, oui, comment on calcule combien on émet de CO2, je pense que ça va être ils doivent retrouver ça par rapport au, j'imagine, à l'utilisation des matières premières et en début, ce qu'on en fait, tout ça. Enfin, j'imagine qu'il doit y avoir un calcul qui se fait comme ça, qui doit être certes pas 100% exact, mais qui doit donner une bonne idée de la chose. Oui, c'est un peu ce que je voulais dire, hein. Je voulais pas avoir un chiffre précis. Il y a Didier qui a demandé la parole. Ouais. Après René, Didier, ton micro. Enfin, c'est juste par rapport à ce que dit Ludovic. Donc, on a parlé d'écologie punitive. Bon, avec la décroissance, c'est quand même un ensemble de contraintes, hein, qui sont à mieux avec pédagogie, parce que finalement, c'est tout un monde à créer, et c'est aussi bon. L'économie de croissance avait créé ce qu'on a appelé le mot economicus, mais la décroissance devrait donner aussi un individu qui serait plus axé sur la consommation simplement. Enfin, c'est un changement radical de mentalité. Oui, et je pense que ça heurte en partie une partie des décroissants qui sont un peu libertaires, et je pense que cette idée de rationnement, si en tout cas on ne l'explicite pas, peut apparaître comme quelque chose de très autoritaire, qui pourrait donner lieu à une gestion très bureaucratique, très étatisée. Et je pense que le rationnement même ne fait pas consensus. L'ensemble des gens, l'idée d'un rationnement, c'est pas. Enfin, je veux dire, ça renvoie à la guerre, ça renvoie à la Seconde Guerre mondiale, etc. Mais aussi, enfin. Avec l'épidémie de Covid, on a vu qu'on peut faire des mesures assez restrictives, avec des interdits et compagnie. Et si on a une urgence écologiste, on devrait pouvoir faire la même chose. En tout cas, c'est faisable. Oui, c'est pas faux. C'est pas forcément souhaitable, mais c'est faisable. Oui. Ok. Qu'est-ce qu'on continue? Personnellement, il me semble aussi qu'il y a un point important peut-être pour aller vers une société de décroissance, c'est de changer la création monétaire, la monnaie. Oui. Il y a d'ailleurs des chercheurs qui cherchent de ce côté-là, notamment Richard Dutweit, un économiste alternatif. Disons qu'un... Un Irlandais, oui. Il faudrait un mode de création monétaire qui ne serait plus adossé sur la croissance annuelle et infinie voulue comme maximale, justement, puisque c'est une monnaie de crédit. Les entreprises qui ont des crédits sont poussées à produire un maximum pour le rembourser. Et avec les intérêts surtout, c'est ça le problème. Et avec les intérêts, oui. Est-ce qu'une monnaie qui serait basée sur les limites de la biosphère, c'est-à-dire qu'on n'émettrait pas plus de monnaie que les écosystèmes le permettent, voilà. On ne devrait pas non plus aussi distribuer la monnaie en fonction de ce qu'on en fait, avoir des règles. On ne donne pas d'argent pour construire des mines de charbon, par contre on en donne pour développer des énergies. Tout à fait, là c'est plutôt dans le côté de budgétaire alors. Non, je vais demander la parole. Tout dépend comment on veut distribuer l'argent. On peut aussi la distribuer sous forme de subvention à ceux qui vont dans le bon sens et pas en donner à ceux qui vont dans le mauvais sens. Oui, je suis un peu inquiet. J'ai lu l'article sur la monnaie. J'ai lu trop vite, certainement, mais je trouve très folklorique cette démarche, si je peux me permettre de le dire comme ça, adosser la monnaie à... Plutôt la création monétaire, qui ne dépasserait pas une certaine limite, des possibilités de la biosphère. Je pense que l'idée, la théorie est intéressante. Pour moi, ça n'a aucun sens. Je suis désolé, ça n'a aucun sens, ça. Hein. Vraiment, la biosphère, d'abord, j'ai regardé un peu ce que tu étais avec la biosphère. On ne sait pas trop encore, donc c'est déjà un premier point. Le deuxième chose, si tu veux limiter la connaissance, la progression de la création monétaire, ben tu élèves les taux d'intérêt, tu empêches les banques de venir se ressourcer à la banque centrale, et voilà, donc il y a des solutions bien plus faciles, bien plus pratiques et largement testées sur ce coup-là. Donc, non, mais parce que moi, ce que je comprends pas, c'est que du coup si on fait comme ça, du coup, ça veut dire que l'argent, ils vont toujours l'utiliser de manière néfaste pour l'environnement. C'est-à-dire qu'on peut... Pas forcément. La question, effectivement... Si on la limite, ça veut dire que c'est l'utilisation de monétaire. Ça veut surtout dire qu'il y a une limite à ne pas dépasser impérativement, quoi. Mais pourquoi, enfin, du coup, sur quoi c'est basé? Pour l'activité économique. Sur quoi c'est basé, c'est-à-dire cette limite? C'est quoi le plafond, quoi? Pourquoi? Par rapport aux biens et services en circulation. Oui, enfin, c'est les limites des écosystèmes, comme là on est en train de le dépasser, on le voit avec le changement climatique. Non, mais du coup, il faut corréler les deux. Je sais pas, j'ai du mal à voir comment. Oui, enfin, ça demande encore à être creusé, je pense. Mais bon, enfin, l'idée en soi est peut-être à explorer, je sais pas. Voilà. Il y a aussi un autre point important, donc c'est la relocalisation. Je sais qu'on parle de biorégion, de créer même des agences de relocalisation pour les gens, pour à la fois les citoyens, les entreprises, pour je vais dire recréer une économie uniquement locale. Je sais pas si vous avez des avis. Moi, ça m'a semblé un peu plus intéressant puisque c'est des choses qui sont un développement local un peu auto-centré, mais enfin sans trop, parce qu'on est quand même entouré et on vit pas dans des cocons ni dans des zones. Oui. Et donc on n'est pas étanche, quoi. Hein, et donc, de ce point de vue-là, je trouve que ça, c'était un peu plus intéressant. Ça ne serait pas une conséquence d'une mesure restrictive. En gros, on peut dire. Par un moyen ou un autre, ça coûte beaucoup plus cher de déplacer de la marchandise, en tout cas. Du coup, on est obligé, par la force des choses, de faire les choses localement. Oui, donc là, c'est encore le prix, finalement, qui déterminera. Oui. Arriver à imaginer une société où ce ne soit plus uniquement le... Oui, enfin, oui, non, ce sera quand même le prix du transport qui fera que on abandonnera telle manière de faire pour voilà. Si on a plus beaucoup de pétrole, pas assez d'électricité pour faire fonctionner les voitures électriques, le coût va augmenter et du coup, il faudra faire autrement. Voilà. Oui, il nous reste 2 minutes. Oui, peut-être le Covid là. Oui, merci. Bon, je vais dire 2 mots quand même. Donc, je suis sur le coup de la lecture d'un bouquin que je recommande à tout le monde, de Robert Boyer, « Le capitalisme face à la pandémie ». Je crois qu'on a des choses fort importantes à apprendre de la part de Robert Boyer. Enfin, ça, c'est pas nouveau déjà. Je pense que, enfin, pour le dire rapidement, il considère que les conséquences de cette pandémie ont toutes les chances d'être durables et surtout interdisant tout retour au régime antérieur de croissance. C'est en tout cas ce que montre l'histoire. Et l'histoire qu'il reprend, même s'il n'est pas trop sûr de lui sur ce qu'il dit, ce qui est rare, mais généralement, les pandémies, c'est 40 ans après qu'on les voit, qu'elles se dissolvent. Hein, il faut 40 ans pour la digérer. Donc, le problème, c'est que ça se traduit aujourd'hui en France aussi et dans d'autres pays par un renforcement du pouvoir sur les citoyens. Et on ne peut pas dire qu'on n'est pas gâté en France de ce côté-là. Donc, on peut le dire. La nouveauté radicale du coronavirus a été de bousculer le domaine de la finance. En fait, les marchés, jusqu'à présent, jusque l'avant Covid, étaient en mesure de socialiser l'avenir. C'est eux qui prévoyaient l'avenir, en fait, d'une certaine façon. Donc, il est bousculé, ce domaine. La domination de la finance est bousculée. Elle doit laisser la place à l'économie, peut-être. L'économie doit laisser la place aux politiques. Et aujourd'hui, on le sait, on le voit, c'est la politique qui doit faire des choix de santé publique et qui ne sont plus du tout les choix qu'on avait avant. Et j'ajoute sur ce point-là qu'on constate qu'en France, en Europe, on joue chacun de sa partition, même si de temps en temps, on essaie de faire des choses un peu ensemble. Donc, le projet et la proposition que fait Robert Boyer, c'est de réinsérer le processus économique dans l'ensemble de ceux qui structurent la société, qui traversent l'espace politique, celui des médias et bien d'autres champs encore, dont évidemment le droit. Souvent, sous le capitalisme, l'économie impose sa logique, et même le capitalisme financier, on l'a vu, mais tel ne peut plus être le cas aujourd'hui dans une économie de grande crise ou de pandémie. Donc, deux conséquences à cela. La première, c'est qu'il faut s'imposer une inversion des temporalités au sens où le moyen terme pilote le court terme, ce qui revient à mettre sous le contrôle le temps de la finance, puis celui de l'économie. Et d'autre part, il faut abandonner l'hypothèse d'une détermination de la société par l'économie. Voilà ce que nous apporte, en fait, d'une certaine façon, Robert Boyer. Et puis, il ajoute un paragraphe que les critiques n'ont pas vraiment cité. Il dit que le problème qui est devant nous, c'est la lenteur de la reprise. Et l'investissement, dit-il, est attentiste. Ça veut dire que les investisseurs ne vont pas se précipiter pour investir parce qu'ils ne savent pas combien de temps va durer la crise, la pandémie. Donc, on ne sait pas de quoi demain sera fait. Et tout à fait, le plan hydrogène, par exemple, il ne va pas démarrer tant qu'on n'a pas une solution, tant qu'on ne sait pas ce qui va se passer. Donc, ça, c'est la première chose que je voulais dire. L'État, le gouvernement, a intérêt à vraiment… il est sous la contrainte de deux choses. Il ne peut pas passer outre l'urgence des problèmes sociaux, ni à compromettre la viabilité du système industriel, et donc l'attentisme de l'État, des entreprises, est véritablement un problème. Alors, je vais finir là-dessus. Imaginons, dit-il, que la santé, l'éducation et la culture deviennent des priorités. Et ces secteurs ne consomment pas beaucoup de matières premières, ils relâchent les contraintes sur le carbone et sur la mobilité, et le CO2. S'opérerait alors une transition douce vers une économie qui, en cherchant le bien-être de la population, atténuerait la pression sur les biens matériels très consommateurs et apprivoiserait le modèle un peu frugal des écologistes, mais pas par la coercition. Une fois qu'on est riche, dit Keynes, je fais que citer Robert Boyer, rien n'est plus important que la culture et l'épanouissement humain. La pandémie, donc, nous fait apparaître que le plus important est d'être dans une société en bonne santé, cultivée, et relativement apaisés, où seront prises en compte de façon effective et intériorisée les contraintes écologiques à l'opposé d'une écologie dure et contraignante. Merci pour lui. Et en 2019, on a atteint un pic de production de CO2, d'émissions de CO2, et grâce à la pandémie, on va dire, en 2020, ça a baissé. Enfin, les projections ont baissé. Et j'espère que ça va continuer à baisser. une dédicace de René Saubry à ses copains Didier et Christian, lecteurs de La Gueule Ouverte et contemporains de La Gueule Ouverte, le journal qui a été créé par Pierre Fournier. Feu Pierre Fournier. Le Père Noël est un tueur. Le Père Noël est un des pires flics de la Terre et de l'au-delà. Le Père Noël est le camelot immonde des marchands les plus fétides de ce monde. Le marchand de rêves et d'illusions, véritable pirate des aspirations enfantines, colporteur mercantile de l'idéologie du flic, du fric, du flingue. Face à la grisaille géométrique des cités claquées, bidonville de la croissance, face aux arbres rachitiques, aux peuples lessivés, essorés, contraints, s'étale de la mer de plaquéor rachitique, plaquéor synthétique, la chimie vicieuse des monceaux de jouets, un dégueulis de panoplie criarde avec, derrière la porte capitonnée, le ricanement malin des marchands. Noël est une chiotte innoble et on va plonger nos gosses là-dedans. Mais faut bien faire plaisir aux gamins. Rubrique les filles du catalogue de Nouvelle Galerie. 28 pages sur 30 exclusivement consacrées aux poupées, aux dinettes, aux trousses de toilette et fer à repasser miniatures. Les deux pages restantes sont consacrées au tissage, à la couture, à des panoplies de danseuses et bien sûr de majorettes. Si avec ça votre fille n'a pas pigé quel est son rôle futur. Côté garçon, sur 40 pages, 32 seulement consacrées aux bagnoles, avions, panoplies de cow-boys et carabines à plomb. Doivent retarder aux nouvelles galeries, j'ai pas trouvé de panoplie de CRS ou de para. Par ailleurs, ces jeux sollicitent de plus en plus de consommation électrique. Allez, tenez, on va fantasmer un peu. Bientôt, pour construire les centrales nucléaires, l'EDF redressera à nos gosses et leur programmera la nécessité de l'atome pour fournir de l'électricité à leurs jouets. Mais quelles sont les tendances d'enfants élevés dans un milieu naturel et n'ayant pas à souffrir du poids des divers modes d'intoxication? Ils courent, ces enfants. Ils jouent, ces enfants. Dans les flaques, ils se roulent dans la boue ou tentent de percer les mystères de papa-maman. Ils vivent, ils pensent, ils créent. Refouler ces pulsions naturelles est donc le but criminel de notre société. Sauter à la corde ou jouer au ballon devient un exploit quasi contestataire sur des abords d'immeubles transformés en parking. Le système des marchands au pouvoir a dit « J'achète le Père Noël ». Les marchands tuent l'enfant, tuent les parents. Tu le jouais. On passe aux actualités d'attaque avec évidemment René. Au plan national, René. Oui, alors samedi 12 décembre, 60 000 manifestants et manifestantes contre les textes liberticides en France et des interpellations arbitraires à Paris. La troisième journée de mobilisation nationale contre la loi Sécurité globale a été l'occasion de nouvelles graves atteintes au droit de manifester à Paris. Les charges répétées de la police se sont accompagnées de nombreuses interpellations arbitraires, dont celle de Loïc, un militant d'attaque. Nombre d'observateurs et d'observatrices ont constaté ce samedi 12 décembre dans la capitale des dérives inadmissibles liées à un déploiement policier et militaire brutalisant et attentatoire au droit de manifester. On pourrait dire que c'était un message adressé à Macron directement, ça. Oui. Un communiqué collectif signé par plusieurs associations et syndicats, dont bien sûr Attac, demande la libération de Loïc et de l'ensemble des manifestants et manifestantes placés en garde à vue au seul motif de leur présence dans une manifestation qui, je le rappelle, était déclarée. René, parfait. Didier, sans avec le micro. Alors, l'éducation populaire, le moment est venu d'appliquer une véritable taxation des transactions financières. Donc, sur la taxe sur les transactions financières, TTF, mesure fondatrice d'Attac, est aujourd'hui reprise par ses détracteurs d'hier. Mais dans quelles conditions? Le projet de TTF européenne, entériné le 10 novembre 2020, se présente en réalité comme une taxe au rabais. Ses recettes estimées sont plus de 10 fois inférieures à celles du projet initial proposé par la Commission européenne en 2013, pour une mise en œuvre prévue en 2026. Cette taxe n'a pas grand-chose à voir avec les propositions formulées par Attac. Une taxe ambitieuse serait pourtant nécessaire face à la crise de la mondialisation néolibérale. La TTF européenne de 2020, modèle Macron, recette estimée 3,5 milliards d'euros par an à l'échelle européenne. La TTF défendue par Attac, recette estimée en France, 15,8 milliards d'euros, 270 milliards d'euros à l'échelle de l'espace européen et 617 milliards d'euros à l'échelle mondiale, estimation de l'année 2010. C'est pas mal du tout. On pourra peut-être réfléchir à cette taxe encore une fois un peu plus. Le saviez-vous, un accord contraignant sur le climat existe. C'est le traité sur la charte de l'énergie. Il protège les investissements dans les énergies fossiles et dissuade les pouvoirs publics de mener une transition énergétique ambitieuse. Peu connu, le traité sur la charte de l'énergie, TCE, est entré en vigueur à la fin des années 90, notamment pour sécuriser les approvisionnements énergétiques des pays de l'Union européenne. Détourné de sa fonction, il est désormais utilisé par les investisseurs pour intimider et sanctionner les pouvoirs publics. À l'occasion des 5 ans de l'accord de Paris sur le climat, et alors qu'un Conseil européen doit rehausser l'ambition climatique européenne, ETEC et Attac France ont publié une note d'information sur les effets néfastes de cet accord et proposent d'en sortir, comme l'a fait l'Italie, puisque le moderniser, comme le souhaite la Commission européenne, est quasiment impossible. Et on passe aux activités locales. René. Oui, donc le 25 novembre, c'était l'Assemblée générale de Parc, réappropriation collective de la friche Saint-Sauveur et de son belvédère, je le rappelle. Donc nous avons participé à cette assemblée par visioconférence. Je rappelle que nous sommes membres de l'organisation et nous avons pris la décision d'un soutien financier au niveau des 3 CL, des 3 comités locaux ATTAC de la métropole. C'est parfait. Participation oui. Manifestation contre le projet de loi sécurité globale les samedis 21, 28 novembre, 5 et 12 décembre. Je continue. Inscription au partenariat Mresse-Ville de Lille. Suite à la demande de la première adjointe, Mme Audrey Linkeheld, dans le cadre du projet d'atteindre la neutralité carbone pour la ville de Lille d'ici 2050, c'est la date à peu près choisie par tout le monde, la Mresse a consulté les associations membres pour qu'elles fassent part des thématiques et projets qu'elles entendent porter dans ce cadre. Nous avons répondu à cette sollicitation, mettant en avant deux propositions. La gratuité des transports en commun, aucune construction sur la friche Saint-Sauveur qui doit devenir un espace vert et de convivialité pour les Lillois. René. Oui. Consultation publique concernant l'extension de l'aéroport Lille-Léquin. Oui. Rédaction portée sur les cahiers d'acteurs dans lesquels notre constat et qu'une fois encore, la dégradation prévisible de l'environnement local induite par cette extension va de pair avec les dogmes libéraux. Concurrence exacerbée et absence de réglementation dont bénéficie le transport aérien. Qu'il eût été souhaitable de prendre en compte les propositions de la Convention citoyenne pour le climat et que dans ce contexte, le réchauffement climatique sera certainement bien supérieur à plus de degrés à la fin du siècle. Toute petite précision, la consultation publique n'est pas encore lancée. C'était une consultation privée de l'association qui gère l'aéroport Lille-Léquin. Didier, pour terminer. Et enfin, le Black Friday, ou Vendredi Noir en français. D'autres publications sur les réseaux sociaux, notamment sur Facebook, d'une rétrospective de notre action de l'année dernière sous forme de photos et d'un texte mettant en relief les effets néfastes du Black Friday et de la surconsommation pour l'environnement et la planète. Qui tombait bien avec la décroissance. Voilà. On fait le top. Voilà, l'émission Angle d'attaque est terminée pour aujourd'hui. Je ne sais pas le temps qui nous reste. Je vous souhaite de l'excellente fête de fin d'année, de profiter largement des 20 heures qu'on nous laisse. Et puis voilà, et on se retrouve maintenant l'année prochaine pour un thème qui n'est pas forcément joyeux non plus, qui est la surpopulation dans le monde et les problèmes que ça pose et qu'on oublie de poser généralement. À tous et à toutes, bonne fête de fin d'année quand même et à bientôt. The one and only man's not hot, never hot. Boom.